je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme d'habitude, on va parler de jeux de rôle, de jeux vidéo et de jeux de société. Cette fois, je suis un peu tout seul, totalement tout seul. Céléné, Manuel et Fanny m'ont laissé pour un tête-à-tête avec Vincent Berry, qui est sociologue et maître de conférence à Paris 13, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et aussi donc membre de l'OMNSH, qui est l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, c'est ça ? Oui, enfin j'y étais, j'en suis plus en fait. J'ai plus payé ma cotisation depuis longtemps, mais j'ai été puni. D'accord. Et donc pour aujourd'hui, nous allons, on a déjà écouté avec le podcast sur mais qui sont les joueurs, et on te fait revenir ce soir, enfin. Aujourd'hui, comme ça dépend comment vous l'écoutez, sur une question qui est assez importante, mine de rien, parce que on se rend compte au bout de 3-4 saisons qu'on a oublié de commencer par le début dans l'ludologie, c'est-à-dire comment on commence à jouer, que ce soit du jeu de rôle, du jeu vidéo ou du jeu de société. On a tous commencé quelque part, peut-être, j'imagine, on va le voir avec quelqu'un sur une pratique très particulière, peut-être en famille, entre amis, on va le détailler. Et c'est cette question-là de comment on commence, comment on s'initie, et après peut-être comment ça devient, imaginons, une culture. On va détailler ça ensemble, mais peut-être très brièvement, je vais te laisser, Vincent, rappeler ton travail, puisque tu es quasiment un sociologue du jeu, si je résume. Oui, c'est ça, j'aime beaucoup cette qualification. Alors en effet, je travaille sur l'étude des pratiques du jeu en France. Alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai même fait un ouvrage là-dessus, qui était ma thèse en réalité, sur la pratique des MMO, World of Warcraft, et à l'époque, donc ça date un peu, Dark Age of Camelot. Et puis donc je travaille après sur la pratique du jeu en général, j'ai travaillé sur les pratiques du jeu vidéo en France. Et en ce moment, je travaille avec une équipe de collègues, géographes et sociologues, on travaille sur la pratique du jeu de société en France. Sur des données à la fois quantitatives, statistiques, et puis qualitatives, avec des entretiens, voilà. Alors, dans les grandes lignes, comment dire, pareil, je vais peut-être commencer par typologie de jeu, parce que peut-être qu'on verra, peut-être qu'il y a une différence, tu me diras si je me trompe, mais comment on commence le jeu vidéo ? C'est peut-être différent du jeu de société ? Comment... En fait, oui, ta remarque est pertinente, parce qu'en fait, sur les enquêtes qu'on a, on se rend compte que selon le type de jeu, et même au sein même de certains ensembles de jeux, les modes d'initiation, on va dire, des découvertes sont assez différents. Alors là, tu évoquais le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il a un truc très particulier par rapport au jeu de société, peut-être qu'on y reviendra, où le jeu de société, on a une transmission, enfin le rôle de la famille est relativement important en fait dans le goût qu'on peut avoir pour le jeu de société. Et c'est à peu près le seul jeu dont on trouve en fait des traces de pratiques en famille. Le jeu vidéo, il est très très particulier parce qu'il est complètement déconnecté des pratiques des parents. Et alors pendant longtemps, on s'est dit les gens jouent aux jeux vidéo, mais parce que les parents jouaient pas. Et donc on s'est dit c'est un effet de génération, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tu as une génération de gens qui sont nés dans les années 80 ou même 70, qui ont connu le jeu vidéo, qui ont des enfants. Et en réalité, la transmission se fait un peu. Hein. Elle n'est pas inexistante, mais elle n'est pas si importante. Alors le jeu vidéo, tout ça pour dire qu'il a une caractéristique forte, c'est que c'est un truc entre jeunes. Enfin, c'est vraiment une affaire d'adolescence, hein, en fait, hein, le jeu vidéo. C'est même une affaire d'enfant, parce qu'on se rend compte que les enfants, en fait, commencent très tôt, hein, le jeu vidéo, de plus en plus tôt, d'ailleurs, dans les enquêtes, puisqu'ils commencent à peu près à partir de 3 ans, 4 ans, c'est les jeux sur téléphone portable, sur tablette. Et Alors le jeu vidéo, il est très particulier parce que il a des modalités d'initiation assez différentes. D'abord, chez les jeunes enfants, alors les parents hein, peuvent montrer la tablette et tout ça, mais il y a un effet de presque de confrontation personnelle avec le dispositif. C'est-à-dire que les enfants voient des tablettes, ils expérimentent. Donc leur entrée se fait un peu, quand ils sont enfants en tout cas, dans une relation un peu entre un dispositif, hein, entre un jeu et puis eux-mêmes. Alors après, au moment de l'adolescence, c'est vraiment un truc de ce qu'on appelle en sociologie un modèle affinitaire. C'est-à-dire que jouer aux jeux vidéo, ça participe pleinement de l'identité même d'adolescent. Alors chez les garçons, c'est très vrai. Et donc, t'as un effet de renforcement de la pratique, parce qu'en fait, les copains y jouent, et que, comme la musique, comme le cinéma, le jeu vidéo est devenu une pratique partagée, une référence culturelle commune hein, dans les sociabilités adolescentes, et ce qui fait qu'il est devenu très important. Et que c'est presque un effet d'identification. Mais je précise que c'est très fort chez les garçons, en réalité, parce que tu as beaucoup de travaux maintenant qui montrent ce qu'on appelle les gameuses. Hein. Je pense aux travaux d'une sociologue qui a fini sa thèse. Jessica Soler-Benoni, elle travaille sur les trajectoires des gameuses, hein, tu vois, des joueuses de jeux vidéo très engagées dans des jeux très compétitifs. Et elle, ce qu'elle montre bien, justement, c'est qu'elles ont les mêmes initiations que les garçons quand elles sont enfants, c'est-à-dire elles jouent à la maison. Parfois, les parents ont montré des jeux. Parfois, dans la fratrie, on joue avec son frère et sa sœur. Et que l'entrée au collège, c'est souvent un moment de réduction de la pratique ou alors de sous-déclaration. Parce que dans les sociabilités adolescentes, hein, entre filles, le jeu vidéo fait pas partie des trucs identitaires qu'il s'agit de maîtriser pour s'affirmer comme une adolescente normale, entre guillemets, avec tous les guillemets possibles. Et donc, elle montre bien que dans ces trajectoires-là, le jeu vidéo est bien pris dans des logiques d'identité et que du coup, elles réduisent un peu leur pratique. C'est intéressant ce que tu dis dans l'approche genrée. J'ai souvenir d'un témoignage, je crois que c'est de Ashley Burns ou Bunch, qui est donc une des doubleuses, je crois, d'un des jeux Borderlands. Et qui double un grand nombre, je crois qu'elle a doublé récemment Horizon Zero Dawn. Bref, elle disait qu'elle avait fait le tour de pas mal de collèges américains, pour le coup, avec une sociologue, et elle disait qu'en fait, ce qu'elle demandait donc qui joue dans la salle, donc il y avait les garçons qui levaient la main. Ensuite, elle disait les garçons dehors, bon alors maintenant, qui joue? Et en fait, elle se rendait compte que beaucoup de jeunes filles déclaraient donc jouer, voire même à des jeux plutôt connecté par la société masculin, je pense à Call of Duty, etc. C'est quelque chose qui se retrouve, ou c'est vraiment, même entre filles, parce que c'est vrai que là on est entre hommes, c'est un peu particulier, c'est même pas déclaré entre filles, en tout cas en France. Disons que y a un truc très particulier. En fait, l'adolescence est un moment d'initiation pour le jeu vidéo, mais c'est vrai hein, du jeu de rôle. Le jeu de société, c'est un peu différent. Parce que l'initiation peut être beaucoup plus tardive, hein. Mais pour le jeu vidéo, en fait, les gens démarrent relativement jeunes, et le moment d'accélération où ça devient une pratique culturelle vraiment à part qui est discutée, c'est effectivement l'adolescence, et parce que en fait l'adolescence c'est le moment d'autonomisation hein, vis-à-vis des parents, donc on se détache un peu justement de l'enfance, donc on va essayer d'avoir des pratiques un peu différentes des parents, on va essayer de s'affirmer, et en fait on puise principalement ses goûts, ses envies, ses intérêts, en fait on le prend dans la société, on dit des pairs, P-A-I-R-S ou P-A-I-R-E-S, et donc généralement il y a un phénomène d'ajustement de ses goûts, alors parfois c'est difficile, hein, c'est ce qui est difficile quand on est ado, si vous aimez la musique classique et que vous rentrez au collège ou au lycée, en fait, c'est parfois des moments de solitude et de souffrance parce que c'est pas ce qui va être partagé dans le groupe. Mais donc, il y a cet effet de chez les garçons, effectivement, où le jeu vidéo fait partie des références un peu des normes dominantes, en fait, des choses sur lesquelles on partage, on discute, qu'on pratique ensemble. Et pour des raisons un peu historiques et aussi des raisons des industries, enfin de l'histoire du jeu vidéo, le jeu vidéo s'est historiquement constitué du côté des garçons. Ça a été d'abord une création, en tout cas valorisée du côté du pôle masculin, et ce qui fait que logiquement, s'affirmer comme un adolescent aujourd'hui, c'est jouer aux jeux vidéo et puis écouter tel type de musique et voilà. Et ça ne s'est pas imposé chez les sociabilités féminines, adolescentes. C'est d'autres valeurs ou d'autres pratiques qui vont être plutôt valorisées. Donc c'est un truc qui s'est construit un peu sociologiquement et historiquement. Ça ne veut pas dire que c'est figé, hein. C'est-à-dire qu'au contraire, on voit aujourd'hui une émergence de joueuses qui revendiquent un goût pour le jeu vidéo. Donc peut-être que c'est en train de changer. Dans les enquêtes pour l'instant, on ne le mesure pas vraiment en fait. On voit émerger des gameuses, mais elles restent relativement minoritaires, en tout cas dans dans les sociabilités adolescentes. Je vais prendre aussi, alors pour l'instant c'est vrai qu'on se cantonne aux jeux vidéo, mais il y a aussi un truc qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que tu as parlé donc de l'initiation aux jeux vidéo via la tablette. Mine de rien, bon, c'est relativement récent la généralisation de ce type d'outils numériques. Est-ce qu'on remarque une évolution dans le temps, puisque au-delà de la simple tablette qui n'existait pas forcément avant, mais une évolution dans l'initiation à ce type de pratique vidéoludique. C'est-à-dire Je sais pas, par exemple, je parlais de mon expérience à moi, pour le jeu vidéo en tout cas, c'est sans doute mon grand frère qui m'a initié, entre guillemets, au jeu vidéo. Peut-être que pour d'autres générations, une génération, je ne sais pas, celle qui est née dans les années 80, parce que moi je suis plutôt 90, c'est peut-être tout seul ou avec les parents, je ne sais pas. Oui, non, c'est ce qu'on évoquait en fait, c'est-à-dire l'initiation aux jeux vidéo, elle commence tôt en fait, elle commence très tôt. Et alors, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire quand on regarde les premières expériences de jeux vidéo, en fait, c'est souvent lié... Alors, la fratrie, effectivement, la fratrie, elle est très importante, mais effectivement, il y a un grand frère ou parfois une grande sœur. Hein. Mais ce grand frère ou cette grande sœur, à un moment, il a joué tout seul. Alors, alors comment est-ce que... Ce qu'on voit évoluer avec les tablettes, c'est des initiations de plus en plus tôt aux jeux vidéo. C'est-à-dire, en fait, la tablette a, entre guillemets, encore abaissé le coût d'entrée. Parce que ce qui caractérise le jeu vidéo, c'est que, et c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, c'est que le coût d'entrée pour jouer au jeu vidéo est relativement faible. L'investissement en fait est relativement faible par rapport aux jeux de société, par rapport aux jeux de rôle, par rapport aux jeux de figurines par exemple. À la fois parce que le modèle presque cognitif du jeu vidéo, c'est-à-dire le jeu vidéo, t'as pas besoin de lire les règles en fait. Donc du coup, l'initiation, elle se fait très rapidement. Le dispositif est là pour t'accompagner, alors que si tu vas prendre le jeu de société ou prendre le jeu de rôle, bah, tu vas avoir, c'est ce que je dis des fois à mes étudiants pour provoquer un peu, le jeu de rôle ou le jeu de société, ça ressemble un peu à l'école, c'est-à-dire on va te donner des consignes, et comme à l'école, il va d'abord falloir que tu écoutes les consignes, c'est-à-dire les règles, et qu'à partir des règles, en fait, tu vas les appliquer, enfin, tu vas essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Alors que le jeu vidéo, il fonctionne sur un modèle inductif, c'est-à-dire au contraire, lui, il te dit, je ne vais pas t'expliquer les règles, je vais t'accompagner, tu vas manipuler, et puis du coup... Alors, ce qui explique pourquoi les initiations, ou l'entrée, ou l'engagement dans le jeu vidéo est à la fois aussi massif, et qu'on le voit de plus en plus tôt. Et la tablette, elle a encore abaissé le coût, au sens où ce que ça demande en termes de motricité, la tablette ou le smartphone, notamment les jeux pour enfants, en fait, est encore très faible. Donc, tu n'as pas besoin d'une grande technicité quand tu joues à des équivalents d'Adibou sur tablette, c'est-à-dire il suffit juste d'un doigt d'appuyer. Et donc, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, mais complètement. Cette idée-là, c'est qu'en fait, les tablettes ont eu un effet... En fait, c'est un effet un peu paradoxal, c'est-à-dire à la fois d'augmenter l'initiation, enfin de baisser l'initiation en termes d'âge, mais aussi de l'augmenter à l'autre bout de l'échelle démographique chez les personnes âgées, puisque du coup, ça a permis aussi, comme en termes de motricité ça demande peu, que les personnes âgées puissent découvrir en fait le jeu vidéo. Alors c'est souvent le solitaire, la dame de pique, mais, ou des jeux de Scrabble, des choses comme ça, mais du coup, ça a eu cet effet-là, ouais. C'est hyper intéressant, ce que je n'aurais jamais imaginé, mais ça me paraît en fait assez logique, oui, la tablette pour les personnes plus âgées. Y avait aussi, je pensais à ça, mais c'est peut-être très secondaire, c'est la multiplication de jeux gratuits aussi. Je pense qu'il enlève un coût d'entrée, tu en parlais, au niveau cognitif, mais au niveau financier, l'arrivée, la généralisation du free-to-play. permet aussi une initiation plus facile. Enfin, En fait, le phénomène, il existait avant. Enfin, oui, t'as raison, au sens où, en fait, ça a augmenté l'offre. Mais en fait, t'avais très tôt, en fait, avec l'informatique, t'avais des jeux soit préinstallés, soit des jeux gratuits. Donc oui, ça a augmenté l'offre de jeux gratuits. Ça a probablement eu un effet, effectivement, d'une plus grande facilité d'accès, hein, aux jeux, enfin, à des formes de jeux vidéo. Mais effectivement, j'évoquais le solitaire ou la dame de pique, tous ces jeux-là, ou même quand tu regardais les consoles Nintendo, parfois tu avais des versions avec Mario qui était déjà dedans, ou la Master System, tu avais déjà... Donc cette idée du jeu gratuit, ou en tout cas préinstallé déjà là, elle existe depuis un moment, mais effectivement, elle s'est accélérée avec les modèles free-to-play. Ouais. Alors là, on a évoqué donc le jeu vidéo, mais je pense que le jeu de société, ça doit être... je me faisais réflexion l'autre jour. J'imagine que le jeu de société, ça doit être très différent, parce que moi, je suis modeste joueur de jeux de société. J'en joue de temps en temps avec les copains quand on va dans des cafés spécialisés, etc. Mais je me disais l'autre jour que je ne jouerais jamais autant aux jeux de société que quand je serais en maison de retraite, très vieux. Alors, non, enfin, la rupture, c'est à 30 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai tort, du coup ? Oui et non. Là où tu as raison, c'est que, en fait, si tu compares... Le jeu de société, c'est un modèle très différent. C'est une culture ludique très différente. Parce que là, les initiations se font relativement tôt et le rôle des parents ou des adultes est très important. C'est-à-dire que, bah, effectivement, ce qu'on évoquait là, c'est-à-dire que le jeu de société, ça demande une espèce de médiation. C'est-à-dire que quelqu'un prenne en charge le jeu. Donc ça suppose qu'il y a un rôle parental qui soit très important. Ça peut être, comme pour le jeu vidéo, ça peut être le grand frère ou la grande sœur, mais il y a quand même l'idée d'une médiation. Et alors, dans les enquêtes qu'on a, en fait, le jeu de société, un peu par nature, on va dire, est la pratique ludique la plus partagée en famille. Hein, alors que le jeu vidéo, c'est relativement faible en réalité. Hein, même s'il y a des générations, encore une fois, de parents joueurs de jeux vidéo, en fait, les pratiques partagées sont faibles, alors que le jeu de société se maintient. Alors, ce qui peut être désespérant pour les passionnés de jeux de société, des fois ils détestent ce que peuvent dire les sociologues. C'est... Enfin, non, je plaisante, mais en fait, le Monopoly, le Uno reste. écrase en fait l'ensemble des pratiques partagées. Le Scrabble, le Trivial, enfin, voilà. Bon, c'est pas non plus une grande surprise, mais on a le senti. En fait, l'offre de jeux de société grandit. Et l'offre notamment pour les jeux familiaux, les jeux pour les enfants. Mais quand on regarde les pratiques, en fait, les grands classiques, le Cluedo et tout ça reste très très important. Donc tout ça pour dire qu'on a un modèle un peu différent. C'est-à-dire que les enfants jouent aux jeux de société et généralement à l'adolescence, c'est un peu ce que tu devais évoquer, et jeune adulte, enfin pas jeune, ouais, un peu jeune adulte. En fait, tu as une baisse de la pratique ou une disparition en tout cas de la pratique, où généralement c'est le jeu vidéo qui est central entre copains et tout ça. Là, je parle à un niveau macro, hein, c'est-à-dire dans la population française générale. Et donc, tu as un effet d'affaissement un peu, d'atténuation. Mais le paradoxe, c'est que le jeu vidéo, en fait, ce qu'on voit, c'est des trajectoires, c'est-à-dire des gens qui vont baisser petit à petit en vieillissant leur pratique de jeu vidéo. Donc là, je te rejoins. Et du coup, le jeu de société revient comme une pratique partagée. Donc, tu as une rupture à partir de 30-40 ans de pratique de jeu vidéo. Enfin, une rupture, une baisse en tout cas. C'est-à-dire que les gens abandonnent, mais ils réduisent leur pratique. Et puis, tu as un retour en fait des pratiques de jeu de société. Et donc, l'initiation a été très en amont. Hein, Et puis elle revient, en fait, le retour de la pratique se fait plus tard. Quoi. Et donc sur les personnes plus âgées, parce que mine de rien, le jeu, je pense de société, mais plusieurs typologies de jeux, commence à s'immiscer dans les pratiques, j'allais dire thérapeutiques. Pour stimuler les capacités cognitives des personnes les plus âgées. On remarque justement des évolutions là-dessus ou pas du tout ? Ou c'est moi qui... Non, ça fait longtemps que même dans les enquêtes, on les avait. C'est-à-dire que le jeu de société, c'est un... À part la période de l'adolescence et on va dire jeune adulte, en fait, c'est la seule pratique ludique qui se maintient tout au long de la vie, en fait. Dont tu trouves des traces tout le temps, en fait. Donc, quand les gens vieillissent, et effectivement, après, dans les maisons de retraite, ça fait relativement longtemps que... on leur fait jouer à la belote, au Scrabble, ou des choses comme ça. Non, ce qui est plutôt nouveau, c'est en réalité l'émergence de pratiques chez les seniors de jeux vidéo. Ça, c'est assez nouveau. Et si tu veux, la question qu'on se pose, c'est plutôt de voir est-ce que le phénomène va accélérer avec l'arrivée dans le monde des seniors des générations qui sont nés avec le jeu vidéo et qui l'ont pratiqué de façon intensive. Ça, c'est une vraie question. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas, en termes de démographie, on n'a pas le moyen encore de le vérifier. Mais... c'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt, mais ça va bientôt arriver. Hein. C'est, voilà. Donc là-dessus, donc, pour répondre à ta question, le jeu de société, il se maintient depuis très longtemps, en fait, chez les personnes âgées. Et voilà. Et ce qui est nouveau chez eux, c'est le jeu vidéo. Ouais. Alors, c'est pas non plus massif, hein, mais tu vois en fait les courbes monter de pratique chez les seniors. Ouais. Et est-ce que là aussi, dans le jeu de société, on remarque, comment dire, une évolution genrée en fait? Parce que tout à l'heure, tu disais que après, c'était plutôt pour le jeu vidéo, les hommes, en tout cas, les garçons qui se revendiquaient ou qui en tout cas vivaient une certaine culture du jeu vidéo. Est-ce qu'on remarque cette évolution aussi genrée dans la pratique du jeu de société? Puisque, enfin oui, je garde ma question, mon autre question pour plus tard, mais voilà, est-ce que déjà on voit une évolution genrée sur le jeu de société? Alors, le jeu de société, il est beaucoup moins genré que le jeu vidéo en termes de pratique. Alors, il y a plein de raisons. Il y a des raisons à la fois. Autant le jeu vidéo s'est très tôt adressé à un public masculin, le jeu de société a eu cette espèce de positionnement un peu familial et toujours de s'adresser à... de ne pas genrer complètement ces jeux. Enfin, en tout cas, sa communication, la façon de se présenter, de s'adresser, on va dire, aux joueurs. Après, il y a un effet qui est... entre guillemets démographique, c'est-à-dire en fait les mamans en fait sont très importantes dans la transmission du jeu de société, les pères aussi, hein, mais en fait, donc si tu veux, t'as une pratique qui est faite comme le jeu de société, on va l'utiliser avec les enfants et tout ça. En fait, t'as un effet de culture ludique qui se crée relativement tôt, aussi bien chez les garçons que chez les filles, et notamment le rôle des mères est assez important. Et donc, ouais, la rupture en termes de genre dans le jeu de société est beaucoup, beaucoup moins grande que dans le jeu vidéo. Même si dans le jeu vidéo, ça tend à s'atténuer. Mais si tu veux, dans le jeu vidéo, quand tu prends par grand genre, tu vas avoir une stratification des pratiques en termes de genre. Tu vas avoir des jeux qui sont majoritairement pratiqués par des garçons, des jeux majoritairement pratiqués pour les filles. Le jeu de société, sur les enquêtes qu'on a, c'est relativement bien distribué, que ce soit des jeux de stratégie, des jeux d'enquête, des jeux de rôle, des jeux de faire semblant, des trucs comme ça. En fait, tu as une distribution relativement bien répartie en fait entre genre, entre garçons et filles, et entre hommes et femmes. Ouais, effectivement. Je voulais revenir après sur la typologie de jeu, mais je vais prendre ma question que j'avais tout à l'heure. C'était aussi sur l'évolution à l'initiation, puisque par exemple, je pense à... On a fait un podcast il y a quelques années maintenant avec un patron de café, de bar spécialisé dans le jeu de société. Il disait qu'en fait, au tout début, il avait beaucoup de jeux multijoueurs avec 3-4 personnes. Et en fait, il a dû s'adapter à sa clientèle qui était une clientèle plutôt de couple, de duo. Et justement, est-ce qu'on remarque des différentes évolutions dans les typologies de jeux? Est-ce que peut-être on joue à plus nombreux quand on est petit, peut-être quand on fait ça sur le temps de ses vacances scolaires ou sur le chose, et après on passe à d'autres typologies de jeux? Ben, ce que tu as en fait, ce qui est vraiment observable, c'est... Les goûts évoluent quand même sur le jeu. Sur le jeu de société, peut-être moins. Sur le jeu vidéo, oui, t'as des effets de préférence en fait qui se transforme avec le temps. Pour le jeu de société, à un certain niveau, c'est vrai aussi. Non, ce que tu as vraiment, en tout cas aujourd'hui, de remarquable dans le jeu vidéo, c'est que c'est pas un phénomène qui concerne toute la population française, mais tu as un cœur de classe moyenne, on va dire, qui s'est mis à. Donc, c'est pas toute la population française de cette tranche d'âge-là, mais en gros, les trentenaires ont inscrit le jeu de société comme une pratique culturelle partagée de façon très très régulière, quoi. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire, quand tu vois l'évolution des loisirs et des pratiques culturelles en général, ce que tu vois, alors t'as le cinéma, aller au cinéma, aller au théâtre et tout ça, ce que tu vois émerger, c'est effectivement des couples qui font des soirées-jeux. Voilà. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas toute la population, mais c'était une espèce de frange de la population, des classes moyennes, classes moyennes supérieures, qui s'est mis à définir cette pratique-là comme une pratique culturelle tout à fait légitime, quoi. Acceptable, ouais, entre amis, ouais, Ouais, je comprends. ouais. Ce que tu voyais dans d'autres pays et qu'il n'y avait pas tellement en France, notamment l'Allemagne en fait avait déjà ça, puis l'Allemagne avait déjà, on le voyait dans quelques enquêtes, des pratiques familiales très fortes en fait de jeux de société, avec l'idée que en Allemagne par exemple, enfin dire aux enfants on va faire une soirée jeux de société, c'est vraiment comme on dirait ici, tiens on va se regarder un film ensemble, on va aller se promener, on va aller à la pêche, alors qu'en France le modèle jusque-là de dire on va faire un jeu de société c'était plutôt genre il pleut, il faut qu'on fasse quelque chose, alors que maintenant c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire aussi que le jeu de société se légitime en fait en termes de pratique culturelle. Alors c'est pas général sur toute la population française, mais chez les classes moyennes, enfin on va dire les milieux intermédiaires, c'est très très fort. Ouais. C'est marrant, ça fait beaucoup écho à ce que nous disait Mathieu Triclot, où il disait qu'il ne supportait pas quand ses parents disaient « Ouais, allez, on va faire un jeu de société ». Bon, je comprends. On a évoqué donc le jeu vidéo, le jeu de société, et il y a le cas du jeu de rôle qui est, je pense, un cas assez, assez particulier, puisque à une certaine époque, plus maintenant, et ça c'était quand même très connoté de jouer au jeu de rôle papier. Comment on s'initie peut-être au jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, c'est vrai qu'il a une histoire, en tout cas en termes de pratique, très très particulière, parce que donc il apparaît dans les années 80 avec une espèce de climax du jeu des pratiques en France. Ça devait être au-delà de 10% en fait des jeunes qui jouaient. Enfin, il est allé très très loin. Aujourd'hui, c'est moins de 5% hein, de la population française qui fait du jeu de rôle. Et donc, il a eu un destin un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a eu un moment de pratique. C'était un phénomène presque massif en fait chez les jeunes. Voilà, dans les années 80-90. Et puis, à partir de là, il a commencé à s'effondrer. Et surtout, il y avait donc les clubs ont disparu. Et puis, il y a eu fin des années 90 une espèce de presque d'impossibilité de transmission, c'est-à-dire les générations qui arrivaient ne jouaient plus, et puis il y avait plus de passation en fait du et là depuis 5-6 ans dans les enquêtes qu'on fait nous, on voit réémerger le jeu de rôle dans des générations, des jeunes générations, enfin des adolescents qui se remettent au jeu de rôle, et donc il y a des phénomènes de médiation très particuliers. Alors il y a un effet démographique qui lui est mesurable. Autant je disais que le jeu vidéo, il n'était pas tellement transmis de parents à enfants, mais le jeu de rôle commence à être transmis de parents à enfants. Et donc ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est des papas qui commencent à avoir des adolescents et qui initient en fait leur enfant au jeu de rôle. Et donc il y a une espèce de transmission qui arrive maintenant, en fait, mais qui marchait plus du tout avant. Et puis il y a un autre effet, c'est les YouTube, en fait. YouTube a eu un effet de médiation, de transmission des pratiques ludiques un peu disparues. Et là, dans les enquêtes qu'on a, beaucoup de jeunes en fait sont mis au jeu de rôle en regardant, en fait, en passant par des médiateurs comme JDG, le joueur de grenier. Toutes ces chaînes-là qui sont développées, qui souvent, enfin parfois étaient des chaînes liées au jeu de rôle. Au jeu vidéo, en fait, tout d'un coup, on évoquait le jeu de rôle et en fait, on relançait, on redynamisait. Donc, il y a une espèce quand même de revival du jeu de rôle en termes de pratique. Alors, c'est pas non plus massif, hein. c'est pas non plus toutes les franges de la population, toutes les strates de la population française, mais il y a un phénomène relativement notable, et là, dans les 10 années qui viennent, c'est vraiment à suivre pour voir si on a un retour du jeu de rôle chez les adolescents, parce qu'en fait, il avait complètement disparu, il restait que des vieux, comme moi. Non mais c'est vrai, il y a encore il y a une dizaine d'années, il y avait plus de renouvellement en fait. Il restait que des vieux, des anciens, et c'était très marrant parce que c'était très propre au jeu de rôle de voir qu'il était en train de qu'il n'arrivait pas à se renouveler en termes de génération. Et là, depuis 5-6 ans, dans les enquêtes, on le voit réapparaître chez les adolescents, soit par les parents, soit par le père, donc il y a un effet démographique, soit et notamment par YouTube et tous ces passeurs-là, ces lieux de médiation. Ouais. Et c'est intéressant, c'est peut-être un a priori, hein, parce que pour ma part, j'ai été initié assez tardivement au jeu de rôle. J'ai l'impression que on a tendance à peut-être les nouvelles générations sont plus enclins à jouer des typologies de jeux de rôle plutôt anciennes, plutôt rétro aussi. Je vais faire un autre parallèle qui a priori n'a rien à voir, mais pourtant je trouve ça assez pertinent. C'est un peu comme la musique avec l'arrivée de groupes comme un peu rétro, comme les White Stripes ou les Black Keys, qui ont réinitié le blues pour faire du rock and roll. Est-ce qu'on n'est pas un peu face à ça, où on voit effectivement Joueur du Grenier qui joue à des jeux type Cthulhu, des trucs très inspirés de Donjons et Dragons, assez, quand même, c'est pas le plus récent. Est-ce qu'on retrouve cette mode là du rétro chez les jeunes? Alors en fait, t'as raison dans le sens où quand tu regardes le jeu le plus cité chez les adolescents, c'est Pathfinder. Alors, Pathfinder, c'est pas complètement la génération des premiers joueurs de jeux de rôle, mais en même temps, c'est effectivement très Donjons et Dragons, enfin, c'est très lié à cette histoire-là. Et effectivement, t'as eu un effet de... quand je disais que le jeu de rôle avait du mal à renouveler les générations, par contre, il a beaucoup évolué, effectivement, entre les jeux de rôle à autorité partagée, enfin, tout ce qui s'est passé dans le milieu du jeu de rôle... mais qui restait relativement très confidentiel, qui était vraiment lié à la communauté des rôlistes un peu historique, un petit peu renouvelée quand même, mais pas de façon gigantesque. Et effectivement, il revient par les grands standards en fait que tu évoquais, que ce soit Cthulhu, je crois que j'ai même revu des jeunes dans une enquête jouer à Stormbringer. Hein. De quoi ? Je connais pas pour le coup. Stormbringer, voilà, qui était l'adaptation des romans de, d'Elric, voilà, de Moorcock, les romans de Moorcock sur Elric, peu importe. Et donc effectivement, c'est pour l'instant, c'est plutôt les standards en fait qui sont redécouverts. Après, c'est aussi parce que c'était les plus joués et que ils sont transmis par la génération qui a connu ces standards-là en fait. Le joueur de grenier, je sais pas quel âge il a, il doit être dans je sais pas, ouais. Mais en tout cas quand on voit les phénomènes des pères, par exemple la transmission par le père en fait, bah, le père refait jouer en fait à ses premiers amours, donc on revoit en fait des adolescents qui jouent à Donjons et Dragons. J'ai même vu des gens qui jouaient à la première édition de Donjons et Dragons, même pas à D&D, hein, la boîte rouge, je crois que c'était rouge, oui. Voilà. Oui, effectivement, c'est la boîte rouge. Ouais. Et donc, c'est presque un effet de transmission où les parents retransmettent en fait leur premier jeu avec l'idée qu'au fond, il faut que... Enfin, quand on transmet quelque chose à ses enfants, on essaie de transmettre aussi sa propre trajectoire, en fait. Et quand on a... Enfin, donc on transmet, en fait, c'est presque sa propre évolution, comme s'il y avait une étape. Donc on va commencer par ça, et puis peut-être après, comme moi j'ai fait, on passera à un autre type de jeu, à un jeu plus sophistiqué ou à un autre thème. Donc j'ai l'impression que c'est une redécouverte presque étape par étape de l'évolution du jeu de rôle. Donc effectivement, on a évoqué ce sort de revival qui en fait est peut-être dû à ce trou en fait dans la passation, si je dis pas de bêtises. Et on a assez peu parlé des filles, des jeunes femmes, parce que tu as évoqué les papas, il n'y a pas de femmes dans la transmission du jeu de rôle. Sur les enquêtes que j'ai, c'est relativement faible, mais de toute façon, au moment, au plein régime en fait du jeu de rôle, donc dans ces fameuses années 80-90, les joueuses étaient pas majoritaires, hein, ça restait quand même une pratique masculine. Alors après, en fait, pour être très honnête, je pourrais pas te répondre complètement parce que, si tu veux, dans les enquêtes, ça reste quand même des effectifs relativement faibles, hein, ces phénomènes de transmission. Ils apparaissent assez nouveaux, ça semble être une tendance lourde, mais il faudrait que je vérifie. Mais non, globalement, on le voit réapparaître par les pairs. Mais c'est une très bonne question, je saurais pas te répondre complètement en fait. Bon, après, effectivement, je pense que si c'était déjà une pratique très faible à l'âge d'or, entre guillemets, le premier âge d'or du jeu de rôle, ça peut paraître logique que si c'est dans une cadre de transmission par la parenté, entre guillemets, ce soit faible. Mais par contre, comme on l'évoquait tout à l'heure, le jeu de société, le rôle de la mère est très important, et beaucoup plus important que le père, en fait. D'accord. Ok. Ah oui, ça, oui, effectivement, c'est plutôt un point intéressant. Là aussi, est-ce qu'on retrouve, comment dire, différentes typologies de jeux qui sont plus ou moins, comment dire, utilisées pour initier au jeu? Alors, c'est vrai que là, on a remarqué sur du plutôt du paraissant, mais est-ce que si, au niveau du, je sais pas, des jeux, on initie plus souvent avec des jeux, je sais pas moi, médiéval fantastique ou plutôt branchés sur la simulation, est-ce qu'on remarque des tendances À quel niveau? Au niveau de jeu de société, au niveau... Je pense au jeu de rôle, mais ça peut aussi s'appliquer aux autres typologies de jeux. Ben, en fait, ce que tu évoquais, c'est-à-dire, c'est ce que tu évoquais, ce qu'on voit émerger, c'est un retour, oui, en fait, des canons de la culture rôlistique, en fait. Le médiéval fantastique reste quand même très très présent comme une première entrée. Et puis après, ça se décline évidemment, mais ça reste en fait Donjons et Dragons et reste quand même très très important. De toute façon, c'est encore le seul jeu qui est vendu, hein, mais enfin qui est vendu. Enfin, il y en a plein de jeux qui sont vendus, hein, mais qui rapportent encore de l'argent et qui est un phénomène à un niveau mondial, alors, qui reste quand même massif. Donc non non sur le jeu de rôle, le sentiment que j'ai. Après, ce qui est difficile, c'est que tu as beaucoup de choses. En fait, Internet, autant YouTube a pu faire redécouvrir des pratiques, mais aussi Internet, c'est un lieu. Là, je pense à un entretien qu'on avait fait avec des adolescents où en fait la grande majorité du jeu des jeux qui pratiquaient étaient des jeux qui téléchargeaient sur Internet, en fait. Donc, non, c'est difficile de voir si vraiment il y a une typologie précise. En tout cas, ce que tu vois, c'est des titres relativement connus. Ouais. D'accord. Effectivement, tu évoques la culture Internet. Est-ce que justement, il n'y a pas... Parce que je pense à mon cas, mais j'imagine que c'est aussi le cas pour d'autres. Enfin, Internet, c'est la diffusion de l'information, que ce soit sur le jeu de rôle, mais ça peut être aussi sur le jeu de société et sur le jeu vidéo, j'en parle même pas. Est-ce que justement, ça contribue pas à une segmentation d'un peu l'initiation, dans le sens où on se dit, ah tiens, tel jeu, ça va plaire à mon goût très particulier. Ouais. Est-ce que Internet n'a pas contribué à ces phénomènes de niche et du coup, tiens, bah, j'ai été initié à une typologie de jeu et du coup, je poursuis un peu ma route quitte à trouver des trucs plus obscurs dans cette typologie de jeu. Bah, j'aurais plutôt le sentiment inverse, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il est quand même en train, enfin, qu'il est en train de se passer quelque chose de dans le monde, enfin, de relativement nouveau dans la culture ludique. C'est que, bien sûr qu'il y a encore des typologies, bien sûr qu'il existe du jeu vidéo, du jeu société, du jeu de rôle, mais que, en fait, la culture ludique, elle commence à être enfin, ce qui nous fait plaisir, nous d'ailleurs, à Paris 13, parce qu'on vient d'une tradition de recherche sur le jeu qui essaie de comprendre le jeu dans sa diversité, mais en refusant de le segmenter. C'est-à-dire l'idée que le jeu de société, le jeu vidéo, c'est pas si éloigné que ça, qu'on peut développer des modèles d'analyse communs et tout ça. Alors que quand tu regardes en design ou dans les game studies, en fait, c'est le jeu vidéo, puis tel type de jeu vidéo. Et moi, le sentiment que j'ai, et notamment ces histoires de retour du jeu de rôle, c'est que, en fait, la culture ludique aujourd'hui, elle commence à faire sens, et que les frontières entre jeux de société, jeux vidéo sont de plus en plus poreuses. Je pense notamment au phénomène de portage de jeux de société de jeux vidéo en jeux de société. Que tu penses à Dark Souls par exemple, qui est devenu un jeu de société, ou des jeux de société qui deviennent des jeux vidéo. Et le sentiment que j'ai, c'est plutôt c'est des entrées par des univers plutôt que par des ou par des gameplay effectivement, que par des supports ou des types de jeux. Je sais pas si je suis très clair, mais quand tu vois les liens qu'il y a entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, on évoquait JDG ou d'autres, hein, mais des gens en fait qui essaient de transmettre de la culture ludique dans sa diversité en s'autorisant en fait à sortir des espaces de la culture ludique traditionnelle, jouer d'un côté, jeux de société, jeux vidéo. Ce qui est très marrant, c'est il y a un groupe de recherche à Liège, oui, qui travaille sur l'histoire de la presse vidéoludique. Et ce qui est très marrant, c'est que en fait, quand tu regardes en France, le magazine Jeux et Stratégie a été très important parce que c'était un magazine qui venait du monde des échecs et qui petit à petit a été un des premiers magazines en France à parler du jeu vidéo, du jeu de rôle. Et en fait, il parlait de tout en fait. Il parlait du jeu dans sa diversité. Donc dans le même numéro, tu avais un article sur un jeu de société, sur un jeu d'énigmes, sur des jeux mathématiques, sur du jeu de rôle, sur du jeu vidéo. Et que petit à petit, ça s'est refragmenté avec une spécialisation de la presse. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que en fait, avec Internet, les liens se refont en fait entre les différentes sphères de la culture ludique. Alors, juste pour resituer, jeu et stratégie, c'est quelle époque, c'est quel... Jeu et stratégie, c'est avant 80. Ça doit être vraiment tout début des années 80, fin des années 70. Ouais. Et je me rends compte qu'on a oublié une pratique du jeu de société qui est assez particulière, mais qui est visible en tout cas. C'est le jeu de figurines. Alors moi, je n'ai pas été du tout initié à ce type de jeu. Je n'ai aucune idée de comment se joue un Warhammer ou que sais-je. Est-ce que justement, là aussi, justement, comment on s'initie au jeu de figurines? Comment on commence ce truc? Combien c'est... Ouais, c'est des trajectoires. Alors, tu as les effets de sociabilité entre pairs, qui est quand même très important. Alors, parce qu'en fait, le monde de la figurine est un monde... Enfin, il y a un monde un peu visible qui est Warhammer, effectivement, parce qu'ils sont à la fois leaders, ils ont tout le travail de Games Workshop. Et ce que tu as aussi derrière, dans le monde de la figurine, c'est les joueurs de figurines historiques, qui est en fait un tout petit milieu qui existe depuis très longtemps, hein, depuis... ce qu'on appelait les Kriegsspiel au 19e, enfin les jeux de simulation historiques. Et ça, c'est un petit univers du jeu, de la culture ludique, qui se maintient, qui arrive un peu à se renouveler, qui n'a jamais explosé, qui n'a jamais baissé. Donc c'est une espèce de niche dans la niche. Alors sur les jeux de société, donc sur le plus visible, on va dire, du monde de la figurine, c'est effectivement... Warhammer 40 000 ou Warhammer Battle, tous ces jeux-là. Alors, dans les quelques enquêtes, alors c'est surtout des étudiants qui ont travaillé dessus, sur un peu les joueurs, tu as quand même un effet de marketing qui est très important dans l'initiation par les magasins. C'est aussi pour ça que Games Workshop, en fait, a maintenu coûte que coûte des magasins, qui étaient des phénomènes d'attraction de jeunes publics. Donc, tu as ce phénomène-là quand même de captation, on va dire, hein, d'un public. Et puis après, tu as quand même... oui, pour le reste, c'est de la cooptation, c'est de la société entre pairs. Tu as très peu de transmission, en tout cas, dans les éléments que j'avais vus. Il y a très peu de transmission parent-enfant, pour le coup. Autant le jeu de rôle, on voit que oui, ça marche. Pour l'instant, moi, j'ai aucune trace dans nos enquêtes de vraiment de transmission. Ça doit exister, hein, mais c'est relativement faible. Et donc c'est plutôt de la cooptation entre pairs, quoi. Voilà. Donc dans les groupes de copains, il y en a un qui initie et puis ça se répand petit à petit. C'est un effet boule de neige. C'est vrai, de Magic par exemple fonctionne comme ça aussi. Oui, les cartes Magic, hein, tu veux dire les cartes, ouais, de jeux de société. Ouais, complètement. Voilà. Et là j'imagine aussi que l'initiation est comment dire socialement située, dans le sens où c'est peut-être une catégorie sociale très particulière qui va vers ce type de jeu, parce que, enfin, c'est con, mais moi c'est un peu la barrière de ce type de jeu. C'est non seulement je connais personne dans mon entourage qui joue à ça, mais en plus ça coûte des ronds, quoi. Enfin, c'est bête, mais Oui, non, mais c'est oui, complètement. Non, mais enfin, la précision est nécessaire. Oui, c'est pas. En fait, tu trouves très peu de jeux de figurines chez les enfants dans les milieux populaires, quoi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais c'est globalement plutôt dans les classes moyennes supérieures que tu vas trouver les pratiques de jeux de figurines, oui. Ouais. Et c'est, pardon, Magic aussi, mais. Et Magic aussi, ouais. Non, Magic aussi, ouais. Bah, après, t'as aussi un effet financier, quoi. Ouais. Et cet effet financier se retrouve sur les autres typologies de jeux ou dans l'initiation ou pas du tout? Non, c'est pour ça que la variable économique, elle peut être explicative. Je pense pour Games Workshop, parce que c'est quand même super cher. Il y avait le travail d'un étudiant, Frédéric Chesneau, qui avait travaillé sur la carrière des joueurs de Magic et qui montrait quand même qu'il y avait une pratique populaire de Magic, que c'était un peu plus ouvert. Et donc, il n'y a pas qu'une histoire économique, parce que si tu veux, le jeu de société est important en termes de pratique dans tous les milieux sociaux, mais après, tu as des formes qui. Enfin, le vrai jeu de masse, c'est quand même le jeu vidéo, en fait, où là, et un peu indépendamment de logique économique, Pierre Bruno, qui était vraiment le premier sociologue à avoir travaillé sur la sociologie du jeu vidéo en France. Il montrait qu'en fait, dans les années 90 déjà, avant les années 90, il y avait une vraie distinction parce que les consoles coûtaient très cher, les ordinateurs étaient très chers, et qu'en fait, à partir des années 90, t'as le marché de l'occasion, t'as le piratage, t'as plein de réseaux en fait, enfin plein de moyens de se procurer du jeu. Bon, il y a les salles d'arcade encore un peu, et donc en fait, il y a eu une massification et une démocratisation du jeu vidéo, alors que pour le jeu de société. Et pour d'autres formes de jeux très particulières, de jeux de société, c'est pas complètement vrai. Ouais. Oui, effectivement, j'imagine que c'est plus simple de peut-être d'avoir un jeu vidéo d'occasion ou de pirater un jeu vidéo qu'un jeu de société où il faut des pions et un jeu de figurines, j'en parle même pas. Encore que j'ai quelques amis donc qui entre guillemets piratent Magic en téléchargeant des PDF Mais sûr, ouais. Magic est un peu plus ouvert en fait, hein, en termes de public. Enfin, semble un peu plus ouvert qu'on évoquait les figurines par exemple, ou les échecs. Enfin, après, effectivement, ce qui est difficile, c'est qu'on parle par ensemble de jeux en disant jeux de société, jeux vidéo et jeux de société. Mais en fait, quand tu regardes dans le détail à la fois les initiations et puis la pratique sur le long terme, en fait, selon les titres, selon les genres de jeux, t'as des différences en fait importantes. Voilà. Si tu prends les échecs ou voilà, enfin, si tu prends le bridge par exemple, tu vas prendre le bridge, bah, ça va te situer socialement. Les logiques d'initiation sont très différentes, c'est très familial, t'es quand même dans des CSP+, de gens plutôt diplômés. Voilà, donc si tu prends la belote, tu vas avoir un effet, ou le tarot, tu vas avoir des effets de transmission aussi dans la famille, qui sera sociologiquement beaucoup plus divers et beaucoup plus large, quoi. Ouais, j'imagine que c'est pas les mêmes populations qui jouent au tarot ou qui jouent au tas de merde par exemple, enfin, ouais, exactement. Oh, le tas de merde, faudrait, j'ai pas de données, mais voilà, il y a un champ d'étude si nos auditeurs nous écoutent. Voilà, une recherche sur le tas de merde. Donc Mina, ça fait 50 minutes qu'on a parlé d'initiation à différents types de différentes modalités de jeu. Quand on dit initiation, on pense aussi à rite de passage, on passe d'un état à un autre. Est-ce que, par exemple, en sociologie, ou alors c'est peut-être en anthropologie, tu me diras si je me trompe, mais il y a le rite de passage de passer le bac, passer le permis de conduire, etc. etc. Est-ce qu'on remarque des choses assez similaires dans le jeu? Ben, en fait, c'est effectivement ce que, pendant longtemps, en fait, les modèles qu'on avait pour expliquer en fait, la place du jeu dans les sociétés traditionnelles, c'était effectivement que les jeux avaient plusieurs fonctions sociales différentes, hein. Parfois juste de créer de la solidarité, hein, ça sert aussi à ça, ça crée de la solidarité dans les sociétés, ça crée de la solidarité entre les individus parce qu'ils partagent quelque chose, et ça avait aussi comme fonction sociale, pour certains jeux, de marquer en fait ce que tu évoquais, c'était le rite d'initiation, de marquer un passage soit vers l'âge adulte, soit vers une nouvelle fonction sociale, soit vers un nouveau rôle. Alors en fait, c'est un peu quand même ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Ce qu'on trouve quand même très nettement, c'est autour du jeu vidéo, mais effectivement autour du jeu de rôle, c'est que jouer à certains jeux, c'est aussi s'autonomiser culturellement, en fait, alors pour les adolescents des parents, du monde des adultes, hein, ça c'est très fort. Et donc on va choisir certains jeux, on va avoir des goûts pour certains jeux qui sont pas ceux des parents, pas ceux de. Donc la dimension un peu initiatique, ou en tout cas qui marque en fait la transformation d'un état, le changement d'une identité, continue en fait d'être toujours présent. Et quand tu fais des entretiens avec les On avait beaucoup travaillé sur les chambres d'enfants, par exemple, où on demandait aux enfants en fait, de commenter les jouets qu'ils avaient et tout ça, ou les jeux. En fait, le truc qui revenait très souvent, c'est qu'ils te montraient un jeu en disant, tiens, c'est quoi ce jeu-là? Ben, c'est l'auto des odeurs, ou c'est un memory. Et est-ce que tu joues encore? Ben non, je suis plus un enfant, en fait. Ouais. Donc tu vois, ça a gardé ce truc-là quand même de. En fait, quand tu joues à quelque chose, tu t'affirmes un peu, entre guillemets, enfin, tu t'adhères à un groupe social, à une identité sociale. Donc cette dimension-là, ouais, elle existe toujours. Ouais. Et je me rends compte, puisqu'on parle d'enfants, il y a aussi enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, et je connais plusieurs personnes dans ce cas-là, qui ont vécu une sorte de passage entre le jouet, où on passe du jouet très enfantin au jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie, justement, le passage de l'objet en tant que support, peut-être, de le jeu à une modalité faite par des règles, etc. Oui, en fait, dans la culture ludique, quand on travaille sur la culture ludique des gens, en fait, on travaille beaucoup sur ça, nous, enfin, dans le département où on est, c'est-à-dire à essayer de comprendre les étapes, les trajectoires, les transformations de la culture ludique. Effectivement, tu as tous ces effets d'abandon du jouet, et en fait, mais qui sont parfois des marqueurs sociaux, c'est-à-dire ce qui est très marrant, c'est que. Tu vois, par exemple, les Playmobil, on va abandonner les Playmobil, ou les Lego, hein, alors qu'on les a adorés. Enfin, tu as des enfants qui ont adoré de jouer aux Lego. Et puis, tu vas voir que quelques années plus tard, ils vont s'engager très fortement dans Minecraft. Et au fond, ils retrouvent, si tu veux, la mécanique qui est derrière. Mais Minecraft enfin, voilà, est plus accepté, ou en tout cas, est partagé dans le groupe social. Donc, il y a toujours cette relation entre sa propre culture ludique, ses goûts pour des systèmes de jeu, pour des dispositifs, et puis le groupe social dans lequel c'est partagé, le contexte dans lequel ça se fait. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un truc que tu peux observer de façon presque longitudinale dans les trajectoires des gens et dans leur rapport en fait à leur pratique de jeu. Et on en vient aussi à ces adultes qui collectionnent par exemple des Lego, qui font des sculptures chez eux, etc. Ouais, alors c'est vrai que l'ego maintenant c'est plus discriminant parce qu'effectivement il y a une passion. On a réussi à légitimer la collection des Lego chez les adultes, mais t'as toute une série de. Tu vois, l'exemple que je donne souvent que j'avais fait dans l'enquête de World of Warcraft, c'était la. En fait, t'as toute une partie dans les MMO. Qui est en fait un jeu de poupée, c'est-à-dire qui est tout à fait comparable en termes de description de l'activité entre des enfants qui jouent à la poupée et des enfants qui personnalisent leur avatar, et des joueurs qui personnalisent leur avatar. Et effectivement, donc le plaisir de jouer à la poupée est toujours le même, sauf que socialement, tu peux pas dire j'adore jouer à la poupée encore, habiller, déshabiller son personnage, lui mettre tel ou tel type de vêtements, tel ou tel type de cheveux, voilà. Et donc t'as toujours la culture ludique des gens, elle est toujours prise entre des goûts qu'on a, des dispositions, des habitus, moi je dirais, pour des formes de jeu, et puis un contexte social qui rend acceptable tel ou tel type de pratique. Donc effectivement, on va plus jouer à la poupée, enfin, ou alors on va la cacher, mais par contre, quand on va jouer aux Sims ou quand on va jouer à personnaliser son avatar, on va retrouver ce plaisir en fait de l'activité ludique. Oui, c'est intéressant de revoir des récurrences. Est-ce que pendant l'âge adulte, on retrouve aussi d'autres formes de passage, de changement d'état? Parce que je pense, enfin, par exemple, dans l'âge adulte, bon, bah, par exemple, il y a l'arrivée à la retraite, par exemple, ou je sais pas moi, l'arrivée du premier enfant, ou de se marier. Ouais. En fait, ce que tu as sur le jeu vidéo, par exemple, les discours sont souvent délirants, hein, enfin, depuis l'histoire de l'origine. ils sont délirants sur les effets du jeu vidéo en termes de tout le monde joue aux jeux vidéo, c'est un loisir invasif. En fait, quand tu regardes vraiment les statistiques, tu te rends compte que le jeu vidéo suit très bien les sociabilités et les trajectoires des gens. C'est-à-dire, en fait, pour tout te dire, le jeu vidéo, en réalité, il commence à diminuer à l'adolescence. C'est-à-dire que les périodes les plus intensives d'initiation et de pratique, en fait, c'est entre 6 et 14, chez les, enfin 6 et 16, on va dire, chez les garçons. Et chez les filles, c'est entre 6 et 12 ou 13, 14, voilà. Et à partir de là, donc, chez les adolescents, en fait, ça commence à diminuer, ça se voit pas trop, mais ça commence. Et puis, en fait, t'as une vraie rupture à partir de 30 ans. Et quand tu regardes, c'est-à-dire en termes de diversité de jeux, mais aussi du temps consacré, du nombre de parties dans une semaine, en fait, tout baisse. Et en fait, le jeu vidéo, en réalité, on continue de jouer, mais les gens, enfin, par la force des choses, en fait, l'arrivée d'un enfant, l'entrée dans la vie à deux. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, mais au final, si tu regardes les courbes, en fait, ça suit à peu près très bien les trajectoires sociales des individus, la socialisation des individus. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a t'as plutôt des effets de baisse du jeu vidéo, par exemple, à partir de 30 ans, et de remontée du jeu de société, du coup. Parce qu'il permet d'intégrer la personne, enfin, il permet d'être joué en couple, il permet d'être cantonné à des week-ends. Et donc, en fait, notre discussion amènera à croire qu'il y a des espèces de trajectoires linéaires. Et en réalité, on est plutôt dans des logiques de cycle, c'est-à-dire que tu vas voir, quand tu as l'arrivée des enfants, même si tu es un des plus gros joueurs, il doit bien avoir, hein, mais en fait, ils baissent leur pratique quand même, quoi. Voilà. Et donc, ou alors, ils vont faire des petits jeux, des jeux plus rapides. Donc, t'as ces phénomènes-là qui sont vraiment, vraiment observables et qui montrent que, en fait, que globalement, les gens jouent plus qu'avant, ça c'est sûr. Mais par contre, ils intègrent le jeu comme une pratique culturelle, comme d'autres, et qu'ils essaient, en fait, de l'ajuster au maximum à leur réalité et à leur contexte social. Oui, comme la musique ou le cinéma. Et j'imagine que de même que la musique et le cinéma, il y a une adaptation des typologies de dans la narration, etc. Enfin, je pense par exemple à des amis qui, quand eux jouent en couple, ils ont tendance à privilégier un certain type de jeu, les jeux narratifs, je pense, par exemple, au détriment d'autres typologies de jeux, aux jeux compétitifs. Multijoueur ou sur le chose, j'imagine qu'il y a une évolution dans la typologie. Ça, je suis pas sûr. En fait, ce que montrent les enquêtes quand même, c'est qu'on a, individuellement. Alors, c'est lié à la fois de position sociale. C'est lié à plein de variables en fait, plein de propriétés sociales qu'on a. Et aussi plein d'expériences qui nous donnent quand même un certain goût pour des formes de jeu. C'est-à-dire on a des formes de jeu qu'on privilégie quand même. Alors il faut voir lesquelles, mais un collègue avait montré par exemple les effets par exemple des cultures techniques, des cultures littéraires, cultures scientifiques, et que du coup t'amènes par exemple à apprécier peut-être plus les jeux très narratifs quand t'es passé par ou quand t'as un goût pour la fiction, évidemment. Donc t'as plein de trucs qui font que on a des dispositions à des jeux, mais pas à toutes les formes de jeux. Par exemple, les joueurs les plus compétitifs dans les MMO, c'est ce qu'avait montré un collègue, avaient souvent des cultures techniques, des liées aux sciences, par exemple. Voilà. Moi, dans World of Warcraft, je voyais tous les gens qui faisaient beaucoup d'optimisation, de théorie crafting ou de choses comme ça, l'optimisation des personnages. C'était souvent des gens aussi qui avaient qui étaient dans des filières. Informatiques, des filières scientifiques dites sciences dures. Donc, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a évidemment l'effet de genre, hein, qui te prédispose à des formes de jeu ou qui te construit des formes de jeu. Ça ne veut pas dire que c'est immuable, hein, mais quand même, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, plus on évolue, plus on a des formes de jeu qu'on privilégie. Et puis, et qu'on peut retrouver dans certaines formes de jeux à un moment donné, voilà. Donc, si t'aimes bien le jeu de poupée, par exemple, que tu t'es interdit toute ta vie d'y jouer, dans World of Warcraft, tout d'un coup, tu peux... Donc on a on a quand même des prédilections pour certaines formes de jeux. Et ça se, c'est ces cycles que tu as décrits, on les retrouve selon les classes sociales, même si je pense que c'est un terme qui doit être vieillissant, hein, mais c'est, je ressors mes cours. Non, non, c'est très bien. De sociaux de terminal, mais. C'est toujours valable. Voilà, quelque part, je me dis qu'il y a peut-être un bout de réalité quelque part. C'est des choses, par exemple, des personnes, plutôt de milieu modeste, ont des cycles particuliers par rapport à des personnes plus favorisées. On retrouve des évolutions différentes ou pas ? C'est une excellente question et je ne l'ai jamais formulée comme ça en fait. Globalement, t'as quand même des différences sociales sur la question des loisirs, selon effectivement les classes sociales, hein, pour utiliser ce terme-là. Et le mesurer sur le jeu, c'est, je sais pas. Là, honnêtement, j'aurais peur de te dire une bêtise en fait. Je pense à ça parce que un peu avant l'enregistrement, j'évoquais des écrits de Roberta Maillon, qui est donc une anthropologue qui est spécialisée dans la Sibérie, je crois, dans les peuples de Sibérie, si je ne dis pas de bêtises, et qui a beaucoup étudié la question du jeu. Et en fait, elle voit, dans le jeu, alors peut-être que je me trompe dans ma lecture, hein, je ne suis pas du tout formé en anthropologie, mais elle voyait le jeu comme une sorte de système pour rétablir des rapports de force, des rapports de domination dans le jeu, que ce soit au niveau genré qu'au niveau social. Et du coup, je me demandais justement s'il n'y avait pas des évolutions selon le genre, on l'a vu un petit peu, mais aussi la classe sociale. En fait, ce que t'as, enfin, ce qui marche toujours, c'est que t'as des différences de forme de jeu selon les milieux sociaux. Ça, c'est certain. En fait, par exemple, on va prendre le jeu vidéo parce que c'est celui qui est le mieux réparti et le plus distribué dans la population française en l'occurrence. En fait, t'as des jeux que tu vas trouver plutôt dans les milieux des classes moyennes supérieures, et puis des jeux que tu vas trouver plutôt dans les milieux populaires ou les milieux modestes. Et puis tu vas avoir des effets de jeux transclasse, voilà. Et comme pour les pratiques, comme pour d'autres formes de loisirs ou pratiques culturelles comme la musique, hein. Mais ce qui est très marrant, par exemple, c'est tu vois FIFA, comme le foot, comme le vrai foot, c'est un truc transclasse, c'est-à-dire que c'est pratiqué par tous les milieux sociaux. Mais si tu vas prendre un jeu comme Civilisation, pour prendre un plus visible, tu vas le trouver plutôt du côté des catégories sociales moyennes ou supérieures. Et puis tu vas avoir par exemple des jeux de... C'est l'exemple qu'on donne très souvent parce que dans une enquête c'était très visible. Dans l'enquête Ludespace, c'était les jeux comme Need for Speed. Je sais pas si tu jeux vois. De course, c'est ça. Les jeux de course de bagnole, voilà, les courses de voiture, tu le trouvais plus, ça ne veut pas dire que personne d'autre y jouait, hein, mais tu le trouvais plus pratiqué et plus valorisé dans les milieux populaires. Donc tout ça pour dire que ce que va montrer à Maillon, c'est que ou certains anthropologues, c'est que le jeu a comme fonction de reproduire ou de rappeler des différences sociales, de castes, de classes sociales, peu importe. Moi, je pense, enfin, en tout cas, pour la situation de la France ou des sociétés proches, en fait, le jeu est quand même un marqueur social. C'est un marqueur de distinction. Je suis pas sûr qu'il ait pour fonction de marquer les liens, mais en tout cas, il nous distingue. Enfin, selon les types de jeux qu'on a, il nous distingue socialement, en fait. Voilà, de jouer à j'étais quoi, le kilo de merde, non? Le tas de merde, c'était tout à l'heure, effectivement. Oui, c'est les kilos de merde. Non, le kilo de merde, encore, je sais pas, il nous faudrait des données là-dessus. mais tu vas avoir, par exemple, les petits chevaux, par exemple, que tu vas avoir plutôt dans les... Il y avait un géographe qui avait montré ça aussi, les dames, par exemple. Les dames, c'est un jeu de société que tu vas trouver plutôt dans les milieux populaires, voilà. Ça tombe bien, c'était ma question juste après. C'était géographiquement, est-ce qu'on voit des différences si tu évoques les dames, mais je me dis, voilà, est-ce qu'un Marseillais joue au même jeu qu'en Bretagne? Je vois, à Rennes, c'est le Palais, par exemple, qui revient beaucoup en jeu en extérieur. Ouais. On trouve des différences dans l'initiation, dans son plus ou moins initié à tel ou tel jeu selon les coins où on habite ou voire même où on est. Ouais, t'as des différences régionales en fait qui subsistent. Alors effectivement, c'est autour des jeux traditionnels que tu vas le voir. Donc là, je renvoie vraiment au travail de vraiment admirable de Manouk Borzakian qui avait travaillé sur son corpus, c'était les fédérations. Donc ça veut pas dire que c'est la pratique ordinaire et quotidienne, hein. C'est des gens qui jouent dans des clubs, pas nécessairement de façon ultra professionnelle, mais son corpus permettait de voir des différences régionales avec ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'importance des dames, je crois que c'était Nord-Pas-de-Calais. Il montrait l'importance des échecs, par exemple, les jeux d'échecs en lien avec les régions attenantes ou proches de l'Allemagne. Et donc ouais, t'avais des effets comme ça de culture régionale sur des formes de jeux qui subsistent encore, mais c'est très visible en fait sur le jeu traditionnel. Sur les autres formes de jeux, genre jeux vidéo, jeux de société, enfin on va dire des jeux de plateau, à ma connaissance t'en as pas. T'as des différences après qui sont pas nécessairement des différences régionales au sens il y a un territoire qui a une culture très particulière du jeu. Ça peut être des effets de métropole et de ruralité. Par exemple, le Go, la pratique du Go, tu vas la trouver plutôt dans les grandes métropoles, chez les CSP+, quoi, pour parler sociologiquement, les catégories supérieures en fait. Donc tu vas trouver la pratique du Go sur Paris, tu vas en trouver à Lyon, tu vas en trouver... donc ça fait comme si c'était des territoires, mais c'est plutôt des effets de métropole en fait, et d'agrégation de catégories sociales. Ouais. Mais après, sur les jeux traditionnels, ouais, tu vois des différences encore. Ouais. Ouais. Ouais. Effectivement, on parle des jeux traditionnels et des jeux de société, mais ouais, j'imagine que ces phénomènes-là se retrouvent. Par exemple, c'est plus dur de se faire une LAN ou de se faire une soirée jeu de rôle quand on habite en campagne et qu'on n'a pas de voiture. Alors ouais, il y a ça. Par contre, il y avait ce qui était assez intéressant, c'est ce qu'avait montré un collègue Ovig Termination, un géographe aussi qui travaille sur le jeu, c'était qu'effectivement t'avais des différences de sociabilité sur le jeu vidéo en monde rural et en monde urbain. Et que en monde rural, en fait, du fait, par exemple, de peu de connexions, en fait, les adolescents jouent beaucoup plus les uns chez les autres. Tu vois, autour de la console, voilà, et que c'était beaucoup plus fort que en métropole, enfin dans les grands ensembles urbains. Les gens jouent plus là-bas, chez les copains ou dans les villes moyennes qu'ailleurs. Donc t'as des différences aussi comme ça entre urbanité, on va dire, et ruralité. Alors effectivement, et ça me fait penser que là, j'ai l'impression qu'on parle depuis tout à l'heure de la France métropolitaine, mais alors pour le coup, tes recherches de mémoire, elles concernent la France métropolitaine, mais est-ce que c'est pareil sur le territoire francophone, je pense Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal ou autre? Enfin, j'imagine que c'est très différent. Je me risquerai pas. Non, honnêtement, je dois avoir des données là-dessus, mais j'aurais peur de te dire des trucs très approximatifs. Après, ce que j'ai, c'est des travaux d'autres collègues dans d'autres pays où tu vois des différences fortes. On a évoqué les différences entre la France et l'Allemagne sur le jeu de société, par exemple. Mais t'as des cultures ludiques nationales aussi. Quand je te disais qu'on a tous des dispositions à des formes de jeu qui sont liées à la fois à notre genre, notre milieu social, à nos expériences, en fait, à quoi on a été confronté quand on était plus jeune, c'est aussi explicatif de nos goûts. C'est aussi explicatif, enfin, le contexte au moment où on joue, c'est explicatif aussi. Mais t'as aussi une dimension nationale, en fait, hein, dans certaines formes de jeux. Si tu t'intéresses aux jeux de société, on avait fait une recherche une année avec des étudiants pour se demander si c'était un mythe ou pas, les fameux jeux à l'allemande ou l'Ameritrash. Je sais pas si ça te dit quelque chose. On a pu l'entendre parfois dans l'udologie, mais je vais te laisser peut-être expliciter ce que tu entendais pour le coup. C'est un truc que les joueurs de jeux de société connaissent très bien. C'est l'idée en fait qu'il existerait des jeux à l'allemande qui seraient des jeux plutôt centrés sur, par exemple, pas d'élimination directe des joueurs, des dimensions narratives faibles, et puis une mécanique très importante de la gestion, des dimensions calculatoires, et puis un modèle opposé qui était qu'on appelle l'Ameritrash, hein, ou le jeu à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, en fait, on met souvent les anglais dedans. qui est plutôt des jeux centrés sur le fun, sur la narration, sur l'élimination directe, où la dimension narrative est plus importante. Et donc on s'était dit, tiens, on va quand même vérifier, est-ce que c'est vrai, jusqu'où c'est vrai. Alors, pour plein de choses, c'est pas vrai, mais il y a quand même des différences de design, en fait, de culture ludique entre les jeux allemands, effectivement, et les jeux anglo-saxons. Certains phénomènes que j'évoquais, donc on s'est amusé si tu veux, on s'est amusé à analyser, à interroger des boîtes de jeux, un corpus assez important, et à analyser les règles pour voir si on pouvait noter quand même des différences de design, de mécanique très importantes. Et effectivement, il y a des différences très importantes entre les jeux allemands et les jeux anglais, que les joueurs de jeux de société savent très bien, mais qu'on avait pu mesurer, si tu veux, de façon un peu plus systématique. Et donc les jeux allemands, effectivement, dans leur grande majorité, n'autorisent pas l'élimination d'un joueur dans une partie. Tu vois, donc, on tue pas un joueur ou on ne le ruine pas. En fait, on attend la fin de la partie et on calcule les points. Qu'effectivement, les dimensions narratives sont beaucoup moins importantes. Tu vois, par exemple, quand on présente un univers, bah, dans les règles des jeux à l'allemande, en fait, t'as 5-10 lignes. Et puis, dans les jeux dits à l'anglo-saxonne ou anglo-saxon, tu vas avoir une mise en situation, une dimension narrative beaucoup plus développée. Donc, donc dans nos dispositions pour certaines formes de jeux, elles sont à la fois locales, liées à notre trajectoire et tout ça, mais elle est vraie aussi à un niveau presque national, en fait. Tu as des cultures ludiques nationales, ouais. Alors, effectivement, ouais, c'est marrant parce que tu étais parti sur le jeu à l'allemande, mais pour revenir à la francophonie, puisque j'imagine qu'on est plutôt écouté par des francophones, je pensais aussi au Dom-Tom, peut-être que... Je sais pas pour le coup, pour toi, comment tu trouves tes données et quelles sont tes méthodes, mais peut-être que tu as des données sur les dom-tom, puisque c'est francophone. Et alors, en fait, j'en ai, mais si tu veux, je les ai vraiment pas sous la... Je me risquerais pas à te donner une analyse vraiment détaillée, parce que là, j'aurais peur de dire une bêtise, en fait, ouais. Bon, on a déjà pas mal défriché, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vais te poser une question avant la question de fin traditionnelle de la saison, parce que tu as dû l'expérimenter dernièrement. On a une question traditionnelle à la fin. Alors du coup, toi, comment tu as été initié à ces différentes typologies, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société ? Alors, sur le jeu de rôle, il y a eu, moi, l'effet de la fratrie, donc un grand frère qui jouait et qui l'a initié, donc il a été vraiment important. Le jeu vidéo, c'est plutôt un modèle de confrontation avec un ordinateur qui traînait et... Non, par un copain, non, je fais une bêtise, c'était un CPC 464, d'un copain qu'il avait, donc voilà. Et c'était quoi le dernier Donc nous, c'est jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Donc, donc jeu vidéo, c'est ouais, les copains, et puis après, c'était un peu tout seul. Jeu de rôle, le frère, et jeu de société, une grand-mère, en fait, qui était une grosse joueuse de jeu de société. Ouais. D'accord, comme quoi le jeu de rôle en famille, le jeu de société en famille... Donc ça marche encore. Ouais. Ça marche encore. Et donc, bah, je vais te poser la question traditionnelle de cette saison. C'est donc, comment dire, ton plaisir coupable. Quel est ton plaisir coupable en termes de jeu ? On a tous parfois des jeux qui sont pas terribles, mais qu'on aime bien quand même et qu'on n'ose pas trop se le dire. Là, j'en ai plein. Un plaisir coupable. Alors en ce moment, le problème c'est que j'ai très peu de culpabilité sur les jeux. j'ai tendance à assumer pleinement les jeux. Allez, si je dois en choisir un, Pie-Face. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas. Alors Pie-Face, ça a été en plus la plus grosse vente. Alors pas de ce Noël-là, mais du Noël précédent. C'était le jeu de société le plus vendu. En fait, c'est un dispositif où tu mets de la crème chantilly sur une main et tu places ta tête devant et tu fais tourner un truc, ça donne un chiffre, tu dois tourner une manivelle du nombre indiqué par la roulette et tu as une chance de te prendre de la crème chantilly dans la tête. Pie Face, voilà. Je te le recommande vivement. Mais écoute, voilà, je vais aller regarder hilarant. Ça sur YouTube et m'initier peut-être à ce jeu-là. Voilà. Merci. Et quand tu vas le voir, tu vas comprendre pourquoi je peux être coupable, en fait. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était Vincent Berry, maître de conférence à Paris 13, et donc ex-membre de l'OMNSH, si j'ai bien compris. Donc voilà, vous pouvez retrouver ses travaux, que ce soit sur la sociologie des MMORPG ou l'expérience virtuelle, vivre, jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo. Vous retrouverez ça sur différents sites quand on regarde, je pense, j'ai vu l'OMNSH, mais j'ai vu l'Université Paris 13. Et en tout cas, on te remercie encore d'avoir participé. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle édition de Ludologie. D'ici là, donc jouez bien, jouez plein tant que vous initiez. C'est plus important d'initier et de d'initier les autres. À très vite.